l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise maintenant. Sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis vivants. Quand leur colère s'enflammait contre nous, les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet. Le filet s'est rompu et nous sommes délivrés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel.